Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première, avec tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc vous propose en nouvelle diffusion Histoire vivante. Finalement, ça servait à quoi d'avoir les libertés? C'est juste pour avoir plus de saucissons? Batka, le petit père. C'est comme cela que les Biélorusses surnomment Alexandre Loukachenko. Pour eux, des notions comme la liberté ou les droits de l'homme ne veulent rien dire. Ce qui leur importe, c'est l'ordre, le contrôle. Cette semaine, la Biélorussie. C'est vrai, c'est merveilleux, on dirait la Suisse. Théâtre et dépendance. Le Biélorussin, du point de vue de Moscou, est un paysan. Un pouvoir indéboulonnable. Élu président, il a fait adopter par référendum une nouvelle constitution, histoire de prolonger son mandat et d'élargir ses pouvoirs. Des milliers de personnes ont dénoncé ce dimanche la taxe dite sur les parasites. Toute la fin du 19e siècle a été terriblement violente sur ce territoire. Dans chaque commissariat, il y a un bourreau, un sadique local qui traite violemment les gens qu'on arrête. Comme on dit souvent ici, j'aimerais vivre dans la Biélorussie qu'il montre à la télé et pas dans celle du monde réel. Alors, voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Je m'appelle Justine Salvestroni, je suis journaliste indépendante et j'ai vécu pendant 2 ans à Varsovie, ce qui m'a conduit plusieurs fois en Biélorussie également et dans toute la région. Et maintenant, je travaille à Bruxelles. En général, les journalistes indépendants sont des gens qui ont quand même en qualité première soit l'inconscience, soit le courage. En tout cas, généralement, un caractère assez trempé, parce que il faut en avoir, pour le dire vulgairement, pour se lancer là-dedans. Vous, ça vous est venu comment, cette idée d'être coûte que coûte journaliste? Ça m'est venu en Espagne, quand je faisais mes études là-bas. Mais ce qui m'a conduit à être vraiment indépendante, c'est un journal pour lequel je travaillais, Ouest France. Et je faisais de l'édition, donc je corrigeais les articles des camarades, et ça m'a donné envie de partir, et ils m'ont proposé d'aller en Pologne. C'est vrai que quand on corrige, du coup, on voit à la fois les tics, les défauts éventuels, les qualités, les angles. Est-ce que c'est un bon endroit pour regarder? C'est un très bon endroit pour apprendre, surtout, pour apprendre. Je pense. Oui. Apprendre quoi? On apprend des autres... on corrige leurs erreurs, même si on est en train d'apprendre. Et je pense que, oui, c'est plus facile d'écrire quand on a passé 2 ans à corriger la copie des collègues, même les très très bons collègues, parce que on est obsédé par ces petites erreurs et on a envie d'aller à la clarté, on va dire, et rendre une copie limpide. Mais du coup, pour s'affirmer dans sa propre langue, dans son propre style, est-ce que ce style vient naturellement ou pendant un certain temps, vous êtes très jeune encore, on copie les autres, les anciens? Je ne sais pas si on copie les autres, mais on finit par savoir quand une phrase fonctionne. Et je ne sais pas si j'ai un style particulier, mais j'essaye vraiment au moins de faire que les phrases soient claires et que les gens qui lisent comprennent. Après, pour le style, c'est presque secondaire pour moi. Ah, c'est intéressant ça. Donc voilà, il ne faut pas faire du style, il faut d'abord se faire comprendre. En tout cas, pour les lecteurs d'Ouest France, oui. Ouais, c'est la qualité principale, je pense, d'un article dans Ouest France, c'est que ça doit être clair. Très vite compris. En quoi Varsovie était un encrier intéressant, Justine Salvestroni? Je pense que c'est une ville qui est impossible à comprendre au premier abord, que tout le monde trouve antipathique, presque inintéressante. C'est une ville qui est un peu brutale, très larges avenues, énormément de voitures. C'est plutôt dangereux pour les piétons, je dirais. Et en même temps, il y a des grands parcs et il y a cette architecture soviétique qui est frais, qui est très grise. Et pourtant, c'est une ville qui est extrêmement riche culturellement, qui a énormément d'endroits agréables et qui a une histoire qui est souterraine, en fait. Parce que comme elle a été détruite et entièrement reconstruite derrière, c'est très récent. Et on a, je pense, quand on vient d'Europe occidentale, on n'a pas l'habitude de ces modèles de villes. Posés. Voilà, posés. Mais alors, ils ont reconstruit le centre historique à l'identique. Alors, il y a des gens qui disent que ça fait carton-pâte ou décor de théâtre. Moi, ça m'énerve. Mais je pense que c'est. Qu'ils disent ça, ça vous énerve. Qu'ils disent ça, oui, parce que oui, la ville a été détruite, ils l'ont reconstruite. On peut s'y balader, c'est le seul. Finalement, la seule image qui reste de la ville à laquelle les gens peuvent avoir accès. Et je trouve que c'est une idée. Qui est magnifique et que j'aime beaucoup. Alors oui, ça fait un petit peu... On sent que c'est pas entièrement authentique, mais c'est pas très grave, c'est ça qui est beau. Voilà, donc c'est extrêmement riche et le ghetto aussi a une histoire intéressante. On peut s'y promener sans se rendre compte que c'est un ghetto. C'est un quartier extrêmement agréable, Mourlanouf, c'est là que j'habitais. Et il faut savoir, et c'est une ville qui est extrêmement exigeante envers les touristes par exemple, parce qu'il faut se renseigner avant, il faut se rendre compte d'où on marche, il faut avoir un petit peu une idée de ce qui s'est passé ici, pour la comprendre et pour l'apprécier. Donc, et pour moi ça c'était extrêmement intéressant et très enrichissant. Exigeante, précisez-nous ça. On met pas les pieds par hasard, faut mettre les patins. Je vois rarement quelqu'un qui arrive par hasard à Varsovie, ça n'existe pas vraiment. Mais non, je pense que c'est une exigence parce qu'on peut passer à Varsovie et passer à côté complètement. On peut y aller, regarder le gigantesque palais de la culture, se dire « ah ouais ». Et se dire bah, « c'est une ville qui est grise et qui n'est pas très intéressante et en plus... Bon, les gens, ils sont pas très souriants, et puis le temps, il est pas génial. Et voilà, et repartir et complètement passer à côté de l'histoire. Ouais, grincheux, peut-être. Alors qu'il y a énormément de quartiers en dehors du centre qui sont passionnants et qu'on, voilà. Mais c'est pour ça que je dis c'est exigeant, parce qu'il faut y mettre du sien. Ça se mérite de comprendre Varsovie, je dirais. Alors, nous allons laisser là pour le moment la Pologne, on y reviendra peut-être un autre coup, Justine Salvestroni, parce que vous vous êtes intéressée à un sujet sur lequel nous nous penchons cette semaine. Quand je dis un sujet, je ferais bien de dire un pays, une situation politique, un président quelque peu hors norme. Vous parliez d'écrit au début de cet entretien, je vais tout de suite donner l'avant-goût à ceux qui nous écoutent. De votre style, vous faites une citation qui est une de ces histoires absolument exceptionnelles de cette Europe de l'Est, histoire drôle comme eux seuls savent les imaginer. Ça nous viendra peut-être le moment où la situation sera vraiment désespérée, l'humour viendra peut-être enfin. C'est une grand-mère qui pleure devant sa télé. Qu'est-ce que ta mamie, s'inquiète son petit-fils. J'aimerais tellement vivre en Biélorussie, répond-elle. Mais tu y vis. Non, pas celle-là, celle de la télé. Je la trouve absolument extraordinaire, celle-là. C'est dans votre article, Justine oui. Salvestroni, parce que à un moment, vous êtes intéressée à l'opposition. Faites-nous donc la présentation. C'est qui, c'est quoi l'opposition? Il y a une opposition officielle, l'opposition politique traditionnelle, et puis il y a une nouvelle opposition, une qui dit les choses autrement et qui veut peut-être d'ailleurs aussi en découdre avec l'opposition qui la précède. Alors racontez-nous ça, on ne connaît rien. Alors l'opposition biélorusse, je dirais, est à la fois unie, parce que contrainte d'une certaine manière à exister dans le peu d'espace que laisse le pouvoir, qui est très dur avec l'opposition, et en même temps extrêmement fragmentée. Quand je suis allée à Minsk au mois de juin, j'ai voulu rencontrer pas seulement l'opposition politique. C'est-à-dire, il existe quand même des partis politiques qui font quelques pourcents aux élections, pas grand-chose, mais qui existent dans les sondages et qui essayent d'être un peu connus. Mais je voulais aller au-delà de cette opposition-là parce qu'il y a eu de grandes manifestations. Alors attention, grandes manifestations à Minsk, c'est 2000 personnes maximum, où on a vu émerger beaucoup de gens de la société civile qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer, et il y a eu une certaine volonté populaire de s'opposer à un projet du gouvernement qui était de taxer les chômeurs, qui pesaient trop sur la société biélorusse. Oui, puis alors ça a un nom absolument immonde. Les chômeurs sont appelés des... Parasites, oui. Des parasites. C'est le surnom de cette taxe, la taxe parasite, qui a été retirée du coup. Après Minsk, la contestation s'étend aux autres villes du Bélarus, dans un pays où les manifestations sont rares par peur de la répression. Des milliers de personnes ont dénoncé ce dimanche la taxe dite sur les parasites, un décret présidentiel imposant aux chômeurs de payer un impôt équivalent à environ 190 euros par an. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko considère que les personnes travaillant moins de 6 mois dans l'année génèrent un manque à gagner fiscal pour l'État qu'il entend récupérer. À Mogilev, cette femme explique qu'elle connaît des gens pour qui des spaghettis sont un luxe. Ce sont ces personnes que l'on appelle des parasites ou des alcooliques, s'indigne-t-elle. C'est une question d'honneur pour le gouvernement d'annuler ce décret, proteste Vadim. Un gouvernement fort le ferait, admettrait ses erreurs. Un gouvernement faible n'admet jamais ses erreurs. Le mécontentement se répand dans un pays pourtant soumis à la dictature du président Loukachenko. La mesure surnommée « taxe sur les parasites » rappelle l'époque soviétique lorsque le parasitisme était considéré comme un délit. Celui qui se considère comme le dernier dictateur d'Europe a fait un geste. Alexandre Loukachenko, président du Bélarus depuis 22 ans, a suspendu le décret sur la taxe. Ce décret avait jeté dans la rue des milliers de manifestants, du jamais vu depuis des années. Donc je pense que ça a rassemblé d'une certaine manière l'opposition, tout en activant certaines batailles qui existent entre justement cette opposition politique. J'ai rencontré le président d'un syndicat clandestin, par exemple, ou des journalistes, ou des dissidents politiques, qui ont, eux, l'impression que ces manifestations ne sont pas nées des partis politiques, qui ont essayé de se raccrocher un peu au wagon en se disant « ça y est, la mayonnaise est en train de prendre ». Et qui... Montons donc dans le train. Voilà, c'est un peu ça, et qui était un peu fâché envers ces... On n'aime pas être doublé par la droite, hein. Il y a quelque chose qui... Je pense que c'est un peu ça, et en même temps, les partis biélorusses sont pas non plus extrêmement bien insérés dans la société, sont pas vraiment connus non plus. Donc voilà, c'est un peu une course à qui va être connu et qui va faire quelque chose d'effectif, d'efficace, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Les manifestations sont rapidement été réprimées. Mais on fait émerger quelques groupes. Je pense notamment aux anarchistes qui sont... Oui, alors eux, ils jouent un rôle important. En tout cas, je trouve. Et ils sont particulièrement visés par le pouvoir. Donc c'était assez dur de les rencontrer. Ils ne voulaient pas donner leur nom. Ils étaient extrêmement discrets. Et ils ont été probablement les premiers à sortir dans la rue. Et ils n'ont pas l'habitude d'être... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Ils n'ont pas l'habitude d'être en phase, on va dire, avec le reste de la population biélorusse. Et pour la première fois, ils ont l'impression de, voilà, d'accrocher avec des slogans percutants, des slogans assez simples, juste pour dire, en gros, il y en a marre. Il y en a marre des politiciens presque de tous bords. Et il y en a marre de cette situation. Il y en a marre d'avoir faim. D'ailleurs, la situation, quelle est-elle ? Une corruption qui a dépassé largement le terme de la corruption, une mainmise insupportable et une verticalité du pouvoir totalement asphyxiante. C'est ça, c'est que le pouvoir présidentiel, Loukachenko, c'est pas seulement le pouvoir politique, c'est le contrôle des médias, le contrôle de l'économie. C'est-à-dire 70%, je pense, ça doit être à peu près ce chiffre, des entreprises sont détenues par l'État. Voilà, c'est une oui, on respire Loukachenko. Voilà, ouais. C'est un peu ça. Il est incontournable. Il est au pouvoir depuis 23 ans maintenant. Et j'ai le sentiment que ça décourage un peu tout le monde. Et les dissidents politiques qui ont fait de la prison mais des dizaines de fois, qui se sont fait taper dessus, par exemple, et qui ont vraiment consacré leur vie à ça, sont parfois même pas vraiment reconnus par la population, ou même connus, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont inefficaces d'une certaine manière. Donc je trouve ça assez cruel de les juger comme ça. Mais... Ils n'ont pas un bilan reluisant, ces dissidents. La jeunesse biélorusse n'a aucune influence sur les décisions politiques du pays. Piotr Marketao, 22 ans, activiste. Il n'y a pas de politique pour les jeunes. Ils sont même encore plus exclus du processus de décision que les autres citoyens. Ce n'est pas un secret que nous vivons dans une dictature non officielle. Marina Nazenka, 22 ans, anarchiste. Les manifestations populaires sont étouffées par tous les moyens, y compris par la force. Quand nous nous préparions à manifester, nous savions que nous étions surveillés et que l'on pouvait être arrêté. Evgeny Miasiak, 22 ans, membre du mouvement étudiant. C'est l'une des questions que nous avons abordées immédiatement. Il est très important d'être honnête au sein de son collectif, de ne tromper personne en leur disant « tout va très bien se passer, personne ne va vous arrêter ». Sinon, ce sera un choc pour ceux qui seront arrêtés. Le 15 mars, une manifestation a eu lieu à Minsk. C'est à ce moment-là que la répression a commencé. Les premières victimes furent les anarchistes. J'ai été arrêté le 14 mars, avant la manifestation du lendemain. J'ai été interpellé par 5 policiers anti-émeutes des forces de sécurité biélorusses. J'ai été condamné à 12 jours de prison pour participation à une manifestation non autorisée. J'étais arrêté pour avoir filmé en direct sur Facebook des inconnus en train d'extraire brutalement des personnes d'un trolleybus, de les embarquer, ensuite dans un autocar sans plaque d'immatriculation, puis de partir à toute allure. C'est très difficile pour les Européens de nous comprendre parce que leurs manifestations dans leur propre pays sont plus ouvertes. Les gens peuvent plus facilement s'exprimer. En Biélorussie, la dictature nous en empêche. 5 ans plus tard, on peut être arrêté pour avoir manifesté à un endroit ou à un autre. Le fait que les gens se soient rassemblés en public, pour nous, c'est une grande réussite. Le fait que des anarchistes aient pu battre le pavé, même juste une centaine de mètres sans être arrêtés, pour nous, c'est déjà une grande avancée. Tôt ou tard, la Biélorussie deviendra un pays libre et européen. Et à ce moment-là, les étudiants deviendront une barrière qui nous protégera de l'autoritarisme. Justine Selvestroni, vous êtes intéressée, en étant à Minsk, au mouvement d'opposition, au nouveau mouvement d'opposition au président Loukachenko. Vous nous parliez des anarchistes. Est-ce que globalement, anarchistes inclus, bien sûr, vous diriez qu'il y a une génération aujourd'hui nouvelle qui entend battre le pavé, ou les gens que vous avez pu rencontrer appartiennent à toute catégorie d'âge? Toute catégorie d'âge, je dirais. Alors, je ne sais pas si les gens sont prêts à battre le pavé, mais je pense qu'il y a une mobilisation qui se forme probablement sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré un journaliste qui est un peu le spécialiste de ces questions, qui s'appelle Franek Vetcherka. Et lui, vraiment, c'est l'idée ou l'espoir, peut-être que c'est plutôt l'espoir qu'il a, c'est qu'il va réussir à mobiliser une jeunesse qui en a vraiment mais marre de tout ce qui a trait au communisme, tout ce qui a trait à Loukachenko, et qui pourrait changer les choses. Mais ça reste quand même quelque chose de difficile, je pense, mais qui est en train de naître. D'autant que il y a une revendication d'affirmation, on dirait, culturelle, faire reconnaître la langue, faire reconnaître un certain nombre de traditions. On peut parfois s'inquiéter de ce type de mouvement. Qu'est-ce que vous avez pu cerner de ça? Alors effectivement, la question d'une renaissance de la culture biélorusse, c'est quelque chose qui a ses débuts, je dirais. Et là aussi, c'est ce journaliste et dissident, Franek Vetcherka, qui est connu pour ça et qui se bat pour ça. C'est l'idée que finalement, si Loukachenko est au pouvoir, c'est parce qu'il a le soutien de Moscou et qu'il y a eu une... c'est pas une surprise, il y a eu une russification massive de la Biélorussie. Tout le monde parle russe, ou presque, et c'est plutôt l'élite... Ça, c'est pas tout neuf. Non, absolument pas. Mais c'est plutôt l'élite, finalement, culturelle et intellectuelle qui va utiliser le biélorusse. Il y a des visites, par exemple, des visites touristiques qui sont organisées en biélorusse. Mais les gens parlent russe et biélorusse, mais utilisent le russe quand même. Et l'idée, voilà, c'est de se dire, c'est un endroit qui est un peu plus sûr. On est un peu plus libre avec la culture qu'avec la politique. Et c'est peut-être par les symboles, les vêtements brodés, par exemple, qu'on va réussir à faire prendre conscience aux gens qu'il faut une vraie indépendance biélorusse. C'est-à-dire une indépendance par rapport à la Russie. Il y a plusieurs approches sur l'opposition, c'est pour ça qu'elle n'est pas unie, parce qu'il y a des accords politiques, mais aussi différentes générations, différentes méthodes, et chacun se débrouille un peu comme il peut, et ça reste, j'ai pas envie de dire que c'est du bricolage, parce que ça paraît négatif, et c'est quand même des gens qui se battent, qui prennent des risques, qui sont vraiment convaincus, mais ils ont des moyens qui sont très faibles. On se dit, par rapport à Loukachenko qui est si fort, ça semble impossible d'en venir à bout. D'une certaine manière. Nous avons tous besoin de changement. Les puissants doivent enfin s'y mettre. Moi, Tatiana Karatkevitch, c'est justement ce que je veux. Amener des changements. Et nous allons voter pour vous. Tatiana Karatkevitch est le nouveau visage de la politique en Biélorussie. Candidate à la présidentielle de dimanche, elle prétend être la meilleure alternative à Loukachenko. Elle peut en tout cas se présenter, contrairement à tous les autres représentants de l'opposition qui n'ont même pas eu le droit d'être inscrits sur les listes. Mais dans cet état autoritaire, les Biélorusses ont-ils vraiment le choix? Personne ne semble y croire vraiment. Presque tous ceux à qui j'en ai parlé dans mon village veulent voter contre Loukachenko, comme lors des précédentes élections. Mais le résultat est toujours le même, l'opposition ne franchit pas la barre des 2%. Nous ne vivons pas dans un état de droit. Je vous propose d'applaudir pour envoyer un message à la commission électorale. S'il vous plaît, comptez-les-vous honnêtement. Jamais une campagne électorale ne se sera déroulée dans une indifférence aussi totale. À Berioza, ville de 30 000 habitants, une vingtaine de personnes seulement est venue participer à cette réunion. En deux décennies de pouvoir, le président Loukachenko a totalement laminé la scène politique en Biélorussie. Il y a 5 ans, des milliers de personnes avaient manifesté contre la fraude électorale. Cette fois, c'est le calme plat. L'opposition est découragée, pour ne pas dire à genoux. La seule chose sensée à faire, c'est de boycotter ces élections. C'est du moins l'avis de Mikhaïl Stakhievitch. Il y a 5 ans, il s'était présenté à la présidentielle et avait été arrêté le soir des élections. Il est sorti de prison il y a quelques semaines seulement. Cette fois-ci, tous les adversaires de Loukachenko sont des figurants. Ils sont là pour donner des allures démocratiques au scrutin et pour inciter les gens à aller voter. Pour paraître crédibles, ils critiquent parfois Loukachenko, ce qui, après des années de répression, plaît bien à certains électeurs. Mais en fait, tout ceci est une farce. De son côté, Tatiana Karaktievitch nie le fait d'être utilisée pour légitimer le scrutin. Ce n'est pas moi qui suis utilisée, c'est nous qui utilisons cette campagne pour montrer que ce pays a besoin de changement. Et son message passe plutôt bien. On serait content qu'il y ait du changement, la vie est devenue terriblement dure ici. Mais ça ne changera pas. On aimerait bien, mais on n'y croit pas. La campagne électorale se poursuit tranquillement. Dans la ville de Brest, le même jour, Tatiana Karaktievitch répète inlassablement son mantra sur le changement en douceur et la politique des petits pas. Visuellement, la campagne a effectivement un nouveau visage, mais son scénario demeure terriblement éculé. Justine Silvestroni, il s'avère que dans certaines manifestations, certains moments de face-à-face entre ceux qui protestent et qui avancent le mouchoir sur le visage et puis le cas échéant un casque sur la tête, mais pas toujours, et en face des boucliers, casques et matraques, il peut y avoir parfois dialogue. Or, les images que l'on peut voir dans les différentes séquences journalistiques ne montrent que de l'affrontement. Avez-vous pu être témoin, non pas de scènes de fraternité, mais est-ce que là, pour l'instant, au moment où on parle, fin 2017-2018, on est juste dans une séquence de face-à-face, de violence, de police qui exécute les ordres donnés par en haut? C'est en tout cas l'impression que j'ai eue. J'ai du mal à imaginer, au regard des témoignages que j'ai pu entendre, qu'il y ait une quelconque fraternité entre cette police et les manifestants. Il y en a peut-être eu, j'ai vu des vidéos où j'ai peut-être lu des histoires de femmes qui disaient non mais me frappez pas et peut-être qu'une main s'est arrêtée, enfin ou la matraque s'est arrêtée avant, mais vraiment non, on n'est pas du tout dans cette logique. Il y a une division au point que certains partis politiques se disent ce serait peut-être plus malin, ou du moins essayons de dialoguer avec le pouvoir. Essayons de leur parler, essayons d'avoir des petites concessions petit à petit. Et les autres dissidents sont absolument scandalisés et disent « oui, non, ils sont en train de collaborer, c'est pas possible ». Donc on est encore dans cette espèce de réflexion de « est-ce qu'on essaye de changer les choses avec le pouvoir parce que ça semble impossible de faire autrement ?» Ou est-ce qu'on estime que le pouvoir, qu'on peut pas tolérer de travailler avec eux et qu'il faut absolument pas se compromettre avec eux ? Et ils en sont encore un petit peu à discuter de ces sujets. Il faut bien dire que la cause biélorusse est pour le moment quelque peu dans l'angle mort, très peu communiquée. Vous faites partie de ces haut-parleurs qui envoient un peu dans l'océan quelques nouvelles, quelques bouteilles à la mer. Même un joueur qui a un très mauvais jeu peut peut-être espérer avoir un minuscule atout, et parce qu'il est minuscule, s'y accrocher. Quelle serait, du côté des opposants, la lueur d'espoir, ce qui leur permet de tenir et de se dire « faut surtout pas lâcher ». Est-ce que ça serait du côté de l'Europe ? Est-ce que ça serait sur une situation ukrainienne qui irait dans la tragédie, la déliquescence absolue? Et est-ce qu'ils ont quelques moyens d'espérer? Quels sont-ils? C'est définitivement l'Europe, parce que ça ne peut pas être la Russie. L'Ukraine, en fait, la guerre en Ukraine est finalement très utile au pouvoir biélorusse, parce que ça fait tellement peur aux gens, qui notamment voient la télé d'État, surtout évidemment. Ouais, cette espèce de crise, de guerre, de violence, ils ont tellement peur que ça arrive que finalement, ils se disent mieux vaut Loukachenko que Poutine et mieux vaut Loukachenko que la guerre. Donc, il reste l'Union européenne, mais j'ai l'impression que l'Europe s'est désintéressée un peu de la Biélorussie. Ils sont un peu tout seuls au milieu et même Loukachenko, j'ai l'impression, ne sait pas trop vers qui se tourner. On a l'impression qu'il penche, il se dit est-ce que mieux vaut rester dans l'ombre du Kremlin? Est-ce qu'il faut essayer l'Union européenne? Donc, un jour c'est d'un côté, un jour c'est l'autre. Et d'ailleurs, ça a énormément d'impact sur l'opposition biélorusse, parce que s'il se tourne vers Poutine, il ne fait plus très attention aux droits de l'homme. Évidemment, il ne fait pas vraiment très attention aux droits de l'homme, mais ça empire la situation. Alors que s'il essaye de plaire à l'Europe, il y a un petit peu de, on va dire, un léger relâchement et les gens respirent un petit peu plus. Voilà. Mais comme ça aussi, tout le temps, la situation reste difficile. Il faut probablement continuer de suivre malgré tout l'actualité biélorusse. Je vais vous demander, Justine Silvestroni, de faire Madame Irma, de lire dans votre boule de cristal ou dans votre mare de café. Selon vous, les étapes à venir, non pas la résolution finale de la situation, parce que ça, je peux imaginer que c'est relativement difficile à deviner. En revanche, on peut peut-être sentir soit les étapes à venir, soit les alternatives. Risque dans telle situation, espoir dans telle autre situation. Comment il faut regarder la suite? Alors, il y a un journaliste qui m'a dit, c'est très instable finalement la situation, c'est jamais à quoi s'attendre. Bon, avec Poutine, effectivement, je pense qu'on sera d'accord avec lui. Ce ne sera pas une nouveauté, oui. Et c'est vrai que toute l'opposition craignait beaucoup de l'opération Zapad de 2017. Zapad, ça veut dire Ouest. C'est une opération, enfin, ce sont des exercices militaires organisés par la Russie. Donc, ils déploient leurs soldats. C'est un exercice, hein, mais un exercice qui fait un peu peur à tout le monde. Et donc, la Biélorussie fait partie de cet exercice. Et la crainte de certaines personnes, c'est que l'exercice ne soit pas vraiment un exercice et que ce soit une attaque. Mais elle participe, voilà. Comme on dit, avec consentement ou... Oui, avec consentement. Bon. Et l'idée, c'est que ça peut déraper à tout moment. Donc d'un côté, Loukachenko vend la stabilité du pays et essaye de rassurer les gens comme ça en disant « Ne vous mêlez pas de politique, c'est moi qui m'en charge. Juste, vous avez un boulot, plus ou moins. Voilà, si vous voulez garder votre boulot, si vous voulez la paix, vous me laissez en charge de tout ce qui est politique. » Mais je ne sais pas trop comment on peut sortir un peu de cette impasse. Et je trouve que c'est justement la grande tristesse de la Biélorussie et de l'opposition biélorusse. Parce que pour l'instant, la seule impasse, on va dire, qui m'a été donnée, c'est on attend que Loukachenko meure. Il n'est pas très vieux. Il a un peu plus de 60 ans. Donc ce n'est pas pour demain, apparemment. Et voilà, il va falloir... Et la relève est presque assurée familialement. Voilà, et c'est vrai que sa famille est très impliquée dans ses affaires. Et peut-être aussi que ça va dépendre de l'Union européenne, et ça va dépendre aussi probablement de l'économie. C'est-à-dire que le système de Loukachenko, de ses entreprises étatiques, ne fonctionne pas. Affaire à suivre, comme on dit dans les meilleurs feuilletons. On va épiloguer de la manière suivante. C'est le moment de faire votre promotion, Justine Silvestroni. Si on veut suivre vos importants travaux d'indépendant, vers quoi se tourne-t-on? Vers un blog? Vers vos articles? Enfin, que sais-je? Non, allez-y. Vous pouvez me lire de temps en temps dans la Tribune de Genève, dans Ouest France, pour ceux qui vivent dans l'Ouest de la France, et parfois dans Libération aussi. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci.